laisser des blessures et tant qu'il y aura du sang sur les murs, du temps qu'il y aura des sabres et des armures et tant qu'on vivra, durera l'aventure qui pourra bien nous aider. Regarde, qu'en penses-tu? Pourquoi sauver un peuple qui pousse l'amour en exil? Pour faire exister le passé, il sacrifie le présent et la suite. Sauf qui peut, et le mot d'ordre est survivra, qui prendra la fuite. Et il y a des jours où tout se bloque, d'autres où commence une fois passé le premier choc. On construit d'autres alliances et alors que le temps presse, les choses évoluent avec paresse. L'espoir claquera la porte en sortant en équilibre sur le fil du temps. Qu'il y aura des flèches et des blessures et tant qu'il y aura sur les murs, du temps qu'il y aura des sabres et des armures, et tant qu'on vivra, durera l'aventure. Out there, you know.